Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1. Et on va se déplacer maintenant en Afrique du Sud, à Durban, avec notre chroniqueuse Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Alors Mélanie, c'est l'heure du bilan sur la conférence de Durban. Oui, mais puisqu'elle est terminée, je me suis dit que ça serait bien de faire un petit retour. Oui, tout à fait. Donc, au lendemain de la conférence de Durban, qui a eu lieu du 28 novembre au 9 décembre, il y a deux éléments majeurs, on pourrait dire, qui ont retenu l'attention des médias et de presque tout le monde. C'est l'abandon du protocole de Kyoto par le Canada et l'accord qui a été signé, on pourrait dire, in extremis, là, en temps supplémentaire, le 11 décembre, à la fin de la conférence, et qui repousse, on pourrait dire, encore davantage la prise de mesures qui va être plus contraignante et efficace dans la lutte au changement climatique de la part des pays développés. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que le protocole de Kyoto est le grand perdant? On pourrait dire que oui, en effet, François, parce que là, il est plutôt maintenu artificiellement en vie jusqu'à la fin de la décennie en cours. Là, sur le respirateur artificiel. Exactement, et surtout grâce à l'Europe. Et donc, le protocole de Kyoto, de plus, ne servira même pas tout à fait au modèle du prochain accord qui va avoir lieu et qui devrait s'appliquer à partir de 2020. Et de plus, il s'entraînera même pas un nouvel engagement. On aura, puis ça aura à peu près aucun impact là, concret sur le climat d'ici là. C'est ça qui est malheureux. Oui. Et autre nouvelle fort peu encourageante, comme la majorité de sans doute, et l'ont entendu dans les derniers jours, le Canada quitte officiellement et définitivement le protocole de Kyoto à partir du 1er janvier 2013. Et il sera donc plus soumis à aucun objectif contraignant de contrôle ou de réduction des gaz à effet de serre comme il l'était sous Kyoto. D'ailleurs, depuis cette conférence, le Canada ne cesse d'être la cible de nombreuses critiques de la part des gouvernements étrangers, en fait, et aussi même de l'intérieur du pays. Et ce n'est pas sans raison. En effet, ça vient de partout. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que le retrait canadien constituait une mauvaise nouvelle pour la lutte au changement climatique. De son côté, le Japon a même pressé le Canada de rester dans le protocole de Kyoto. Un responsable indien a quant à lui jugé que cette décision mettait en péril les maigres avancées qui étaient obtenues lors justement du sommet de Durban. Et d'autres, comme le représentant de Tuvalu, a dit pour sa part que pour un pays vulnérable comme Tuvalu, c'est un acte de sabotage contre notre avenir. Donc, se retirer du protocole de Kyoto est un acte irréfléchi, selon lui, et complètement irresponsable. Et c'est probablement l'opinion de plein de Canadiens aujourd'hui. En point de presse, il y a aussi le ministre des Affaires chinois qui, lui aussi, a condamné la décision du Canada. Rappelons ici que la Chine est le premier émetteur maintenant de gaz à effet de serre et qu'il n'est pas concerné par les contraintes de réduction d'émissions parce que c'est pas prévu dans le protocole de Kyoto que les pays émergents, en tout cas, ils contribuent pas de la même manière à cette réduction-là. Donc, la Chine n'a pas le même statut. Là, donc, peut-être que son opinion est un peu... En tout cas, c'est à discuter. Il y a aussi, je pense, des critiques qui viennent de l'intérieur même du Canada. Oui, c'est surtout celle du Parti vert qui a retenu mon attention. Madame May, qui est la chef du Parti vert, a affirmé que le gouvernement Harper viole carrément la loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto et rappelle aussi que le premier ministre conservateur ne peut retirer le pays d'un traité international qui a été ratifié par le Parlement canadien. Je vous le rappelle, ça a été fait le 17 décembre 2002, sans même en discuter avec lui. Et même les néo-démocrates et les libéraux sont tout à fait d'accord avec Mme May. Elle a mentionné qu'elle avait beaucoup de difficultés à parler de ça comme si c'était une simple décision politique. Elle trouve que c'est tragique et elle a fait un point de presse à la fin de la conférence et elle a même terminé avec les larmes aux yeux. Donc, ça vient chercher les gens, je pense. Il y a même un professeur de l'Université d'Ottawa qui dit qu'il est tout simplement contraire au fait d'affirmer que le Canada n'avait pas de programme de lutte contre les changements climatiques avant l'arrivée au pouvoir des conservateurs, comme le répètent justement les conservateurs, disent que ça ne servait à rien, qu'il ne s'est rien passé avant. Donc, lui, il vient nous dire que c'est pas vrai. Il y avait bel et bien un plan d'ensemble, il y avait un programme qui était organisé, il y avait une enveloppe de 10 milliards de dollars et même un projet de loi qui était prêt à être déposé au Parlement pour donner un caractère plus législatif à cette politique. Une politique qui a rapidement été torpillée, on se rappelle, après l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Oui, c'est un fait. Parce qu'effectivement, le gouvernement conservateur rejette la faute sur le gouvernement précédent. Tout à fait. Mais il faut rappeler aussi un fait historique important, c'est que jamais dans toute l'histoire du Canada, notre pays s'est retiré d'un traité qu'il avait ratifié. Oui, et ça, c'est vraiment un fait historique et déplorable même. Et la crédibilité du gouvernement conservateur, je pense, en matière d'environnement, commence à traîner de la patte et en prendre un solide coup. Même le commissaire à l'environnement et au développement durable, Scott Vaughan, a écorché la manière dont le gouvernement fédéral fait respecter ses propres lois pour protéger l'environnement. Et ça, c'est cité dans un rapport qui date de mardi. Et même selon Greenpeace, Ottawa est davantage préoccupé par la protection des pollueurs que par celle de ses citoyens et vient de signer l'arrêt de mort de centaines de populations les plus vulnérables du monde. On pense sûrement à ceux de Tuvalu. Entre autres, effectivement. Alors, si je comprends bien, Mélanie, en fait, au lendemain de la conférence, le Canada a été le premier pays à déclarer officiellement qu'il abandonnait ses engagements envers le protocole de Kyoto et qui a été signé en 1997 par une quarantaine de pays industrialisés dont le Canada faisait partie. Tout à fait. Et pour défendre son point de vue, le ministre canadien de l'Environnement, mais on peut se demander aussi à quel point il défend les intérêts de l'environnement, a affirmé au lendemain de la conférence que Kyoto ne couvre pas les deux plus grands émetteurs, soit les États-Unis et la Chine, et donc ne peut pas fonctionner. Mm-hmm. C'est pas tout à fait faux. Ce qu'il dit, c'est au contraire, si les États-Unis et la Chine avaient adhéré à Kyoto dès le départ, on serait peut-être pas en train de mettre Kyoto sur le respirateur artificiel. Cependant, lorsqu'on sait que la vraie raison qui a motivé le gouvernement conservateur, en fait, c'est pour soi-disant sauver notre économie, en fait, c'est encore plus désolant. Tout à fait. De plus que ce n'est pas nécessairement vrai. Selon les Amis de la Terre, la conférence de Durban touche le fond et n'est rien d'autre qu'une espèce de ruse pour détourner l'attention du monde de cet échec des pays développés à respecter leurs engagements. Pour réduire leurs émissions, ben le Canada brandit la menace de la perte de milliers d'emplois si le pays ne quittait Kyoto. C'était l'argument principal du gouvernement. Peter Kent, le ministre de l'Environnement, a évalué à 14 milliards les pénalités que le Canada devrait verser s'il était resté en partie au protocole sans atteindre ses objectifs. Et selon lui, ça équivaut à 1 600 $ par famille. Le fait de ne pas respecter ses engagements, de ne pas diminuer ses gaz à effet de serre va coûter beaucoup plus cher à l'économie. Et c'est prouvé par la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie. Donc, mais de plus aussi, je crois que Kyoto n'a pour l'instant aucun mécanisme d'application efficace face à ceux qui ne le respectent pas, non? Il n'y a rien dans le protocole de Kyoto qui peut induire ou forcer un pays à acheter des crédits. Donc, si on résume en conclusion, on se retrouve malheureusement avec le Canada a maintenant une réputation tout à fait différente et ternie. Et puis, lui qui était vu comme un leadership, le Canada a perdu carrément sa crédibilité en leadership environnemental. Donc, c'est vraiment dommage. Bon. Alors, finalement, le grand perdant, ce ne sera peut-être pas le protocole de Kyoto, espérons-le, mais peut-être le Parti conservateur du Canada. Espérons. Alors, Mélanie Jean, merci beaucoup pour cette synthèse des réactions post-Durban. Ça m'a fait plaisir.